Chapitre 20e. Vivre la nuit. Quant à Fungetti, il avait du coup, en parlant à Miss Eden, perdu toute sa bonne humeur, son verbiage, ses grands gestes. La façon dont Miss Eden l'écoutait le glaça absolument. Maintenant, le sourcil froncé, l'air préoccupé, inquiet, il regardait. Sans abandonner encore la place, Miss Eden s'éloignait gracieusement, monter l'escalier et disparaître. Puis, il fit un geste machinal qui signifiait « Bois, après tout, qu'importe ». Et peu après, il se dirigea vers la sortie du cirque. Sur le pas de la grande porte, un camelot lui offrit un journal du soir. « Résultat complet, monseigneur, dernière nouvelle !» Et comme Fungetti passait sans lui acheter le journal, le camelot, abandonnant cette place peu favorable sans doute, alla vendre ses feuilles plus loin, remontant dans la même direction que le clown. À ce camelot, quelques instants auparavant, un bon bourgeois, marchand de papier peint, amateur de cirque, parce qu'ancien clown lui-même, était venu acheter un journal. Et tout en payant, ce bon bourgeois avait dit au camelot « Phil Fungetti ». C'était Simon qui transmettait à l'amorce la consigne du chef. Après le spectacle, Paulin Broquet, ayant fait quelques pas dans la direction de la Madeleine, monta dans un autotaxi qui maraudait par là. Le taxi-auto, au volant duquel se tenait ma pipe en chauffeur, après avoir viré dans les rues voisines, et après s'être assuré qu'on ne le suivait pas, revint dans la rue Saint-Honoré et se trouva devant le cirque au moment précis où Miss Eden en sortait. Miss Eden sauta dans son auto. Roulée dans le grand manteau qu'elle mettait après son travail, bien appuyée dans le coin de la voiture, elle se laissa emporter vers la villa mystérieuse. Ma pipe suivit l'auto de la plus belle des femmes de l'univers. Il la suivit jusqu'aux abords de la villa, avec assez d'habileté pour que cette poursuite ne fût pas remarquée. Du fond de sa voiture, Paulin Broquet put voir la grande porte de fer forgé de la villa s'ouvrir. Le nègre Colosbig la refermait ensuite, quand l'auto de Miss Eden fut passée. Paulin Broquet attendit quelques minutes, puis il dit à ma pipe « À la maison, vite !» Paulin Broquet mettait à peine la clé dans la serrure de la porte de son appartement que Jules, son fidèle valet de chambre, accourait. « Chef, vous avez une visite. »« Une visite ?»« Dans votre salon. »« À 7 heures ? Tu sais que je n'en reçois personne. Qui est-ce ? Le chef de la sûreté ? Un juge d'instruction ? Non, chef, c'est une femme. » « Une femme, quelle femme ?» Jules vit le froncement de sourcil de son maître, il s'excusa. « Ah, chef, je sais bien, il y a la consigne, ne jamais recevoir ici, la nuit, personne. Oui, mais cette femme, vraiment, quand vous la verrez, vous comprendrez, chef. Elle est si belle, si charmeuse, que je n'ai pas osé. Je n'ai pas pu faire valoir pour elle la consigne. » Un soupçon traversa l'esprit de Paulin Broquet. « C'est Miss Eden ? » demanda-t-il au fidèle Jules. « Miss Eden, je ne sais pas, elle n'a pas voulu me dire son nom. Il fallait l'exiger ou ne pas... Pardon, chef, mais j'ai pensé, vous comprenez, une si belle femme, pour venir chez vous à 7 heures, il fallait qu'elle vous connût, que de vous elle eût un rendez-vous. Comment est-elle ? Très belle, chef, très blanche, de grands yeux, je crois, mais l'ombre de la coiffure, de la mantille qui couvrait sa tête, m'empêchait de bien voir. Je crois que c'est une femme rousse. » Paulin Broquet tressaillit. « Miss Eden ? » se dit-il. « Non, ce n'est pas possible. » Je l'ai vue entrer chez elle. J'ai attendu non loin de la villa. Je ne l'ai pas vue ressortir. Je suis venu directement à bonne allure. Elle n'aurait pas eu le temps de me devancer à ce point. Ce ne peut être Miss Eden. Alors il pensa. Serait-ce la femme aux cheveux d'or factice, celle qui se trouva à place Clichy au moment de l'assassinat de la pauvre petite danseuse Bianca? Fortement intrigué, Paulin Broquet se dirigea alors en hâte vers le salon où l'attendait la visiteuse qui avait paru si belle à Jules qu'il n'avait pu lui refuser l'entrée de la maison, si bien défendue cependant. Sur le pas de la porte, à peine entr'ouverte, il eut un cri de joyeuse et en même temps angoissante surprise. « Vous ? » s'écria-t-il. « Moi ? » le répondit-on. « Vous, Miss Eden ?» Paulin Broquet, anxieux, se demandait quelle affaire nouvelle, quel cas pressant, quel danger, en un mot, poussait Miss Eden à venir ainsi à 7 heures chez lui. Miss Eden lui tendit la main avec cette grâce qu'elle seule possédait. Par deux mots, dit en souriant, elle le rassura. « Je viens vous demander à souper. »« À souper ? » observa Paulin Broquet étonné. « Mais avec grand plaisir. Seulement je crains fort de n'avoir rien à... »« Si, si. Jules vous tient toujours prêt un encas de nuit. Vous avez du poulet, du jambon, une salade de légumes, des fruits, des biscuits. Mais voilà largement de quoi faire un bon souper. »« Vous vous en contenterez. J'en serai ravi. »« Parfait alors. Vous avez aussi quelques bouteilles à casque doré, des bouteilles à coiffure rousse. » Et surtout du café, dont la réputation est établie. Vous savez qu'autant que vous, je suis gourmande de café. Je vais dire à Jules de mettre un couvert. C'est fait. Vous savez cela aussi. On n'attend plus que nous. Au même moment, Jules ouvrit la porte à deux battants et Solennelle annonça « Madame est servie !» Paulin Broquet offrit alors son bras à Miss Eden et la conduisit dans la salle à manger où, en effet, Jules, l'ayant pressenti cela sans doute, avait en hâte préparé très correctement le couvert et garni la table de fleurs. En habit, comme dans la villa de Boulogne, le maître d'hôtel indo-canadien, il assura adroitement le service de ce souper improvisé qui devait être charmant. « Je dîne de bonne heure, » dit Miss Eden. « Il le faut pour mon travail du cirque, comme les artistes pour leur théâtre. Alors, la représentation finie, je meurs de faim et j'adore souper. » À belles dents, elle croqua une aile de poulet froid. « Vivons le jour, » fit-elle, « s'astreindre aux heures des repas réguliers, c'est rentrer dans la banalité courante, c'est perdre un peu de sa personnalité, de sa liberté propre. Couper son existence en tranches semblables et se soumettre au tintement d'une pendule, je trouve cela fastidieux. Mais vivre la nuit, c'est déjà une supériorité sur ceux qui dorment. Quel charme que de converser ainsi quand les bourgeois ronflent, de s'épanouir aux lumières quand les autres sont recroquevillés dans leurs draps, portent un bonnet de coton. Comme l'esprit est plus léger, les paroles mieux senties quand ils n'ont pas pour étouffoir les bruits de la rue, les cris des marchands, le pas des chevaux, les trompes des autos. La vie est à nous. La lumière est à nous. Et nous sommes les seuls qui possédons la grande ville. Paulin Broquet ne pouvait qu'approuver. Il écoutait, comme là-bas à Boulogne, dans le ravissement. Comme là-bas encore. Il se demandait pourquoi Miss Eden faisait cela, et quel était son but. Sa finesse ne le lui indiquait pas encore, mais sa prudence le faisait se tenir sur ses gardes.